sans désaffection, si ça vous va moins. L'ennui tend en moins, mais ça pas suffisant. Moi ni bison bon moi ni bison bon moi tout le temps. Pas sous comment chez moi. Yeah.